Déjà tout petit à l'école, j'étais second de la classe. J'avais toujours que des 13, mais c'est 14 qui fait classe. Y avait un autre Alexandre, j'étais Alexandre 2. Le dernier prix dans les équipes quand on faisait des jeux. On partait en voyage, y avait plus de place dans le bus. Je me retrouvais tout devant avec la prof en bonus. Je vais tous les dimanches à la chasse, mais rien à faire, je perds pas ma place. Du con. Au resto, je suis à côté de la porte. Vous vous doutez que mon plat, c'est le dernier qu'on apporte. Quand je vais aux toilettes, bien sûr qu'il n'y a plus de papier. Je rentre vers une autre cabine, le pantalon baissé. Quand je vais au cinéma, j'ai le siège qui est pété. J'ai un grand devant moi, derrière des coups de pied. Je vais tous les dimanches à la chasse, mais rien à faire, je perds pas ma place. Du con. Les soirées, j'ai le tabouret, le dernier petit four me passe sous le nez. Dans la queue à Euro Disney, je suis seul bloqué par le tourniquet et le distributeur. Je le fais tourner dans le vide, aux caisses supermarché. J'ai la moins rapide, j'ai vraiment la poisse. Dieu doit bien se marrer, je suis son vidéogag, sa caméra cachée. Je vais tous les dimanches à la messe pour prier Dieu pour qu'il me laisse. Mais je me dis qu'il peut rien pour moi. Quand je vois son fils cloué sur la croix, si ça c'est pas une place du con, je veux bien me faire une raison.